Frédéric voulut partir pour Nogent, Madame d'Ambroise s'y opposa. Il défaisait et refaisait tour à tour ses paquets, selon les alternatives de la maladie. Tout à coup, M. d'Ambroise cracha le sang abondamment. Les « princes de la science », entre guillemets, consultés, n'avisèrent à rien de nouveau. Ses jambes enflaient et la faiblesse augmentait. Il avait témoigné plusieurs fois le désir de voir Cécile, qui était à l'autre bout de la France, avec son mari, nommé receveur depuis un mois. Il ordonna expressément qu'on la fît venir. Madame d'Ambroise écrivit trois lettres et les lui montra. Sans se fier même à la religieuse, elle ne le quittait pas d'une seconde, ne se couchait plus. Les personnes qui se faisaient inscrire chez le concierge s'informaient d'elle avec admiration, et les passants étaient saisis de respect devant la quantité de paille qu'il y avait dans la rue, sous les fenêtres. Le 12 février, à 5 heures, une hémoptysie effrayante se déclara. Le médecin de garde dit le danger. On courut vite chez un prêtre. Pendant la confession de M. d'Ambroise, Madame le regardait de loin, curieusement. Après quoi, le jeune docteur posa un vésicatoire et attendit. La lumière des lampes, masquée par des meubles, éclairait la chambre inégalement. Frédéric et Madame d'Ambroise, au pied de la couche, observaient le moribond. Dans la brasure d'une croisée, le prêtre et le médecin causaient à mi-voix. La bonne sœur, à genoux, marmottait des prières. Enfin, un râle s'éleva. Les mains se refroidissaient, la face commençait à pâlir. Quelquefois, il tirait tout à coup une respiration énorme. Elles devinrent de plus en plus rares. Deux ou trois paroles confuses lui échappèrent. Il exhala un petit souffle en même temps qu'il tournait ses yeux et la tête retomba de côté sur l'oreiller. Tous, pendant une minute, restèrent immobiles.